bien voir qu'il y a un risque très global de rupture, de fermeture. Je pense par exemple, peut-être nous en parlerons tout à l'heure, que dans 5 ans, l'euro aura probablement disparu. Dans 5 ans, l'euro aura probablement disparu. Parce que nous ne sommes pas capables de mettre en place des structures fortes qui vont permettre de faire progresser l'unité européenne. Or, si on n'avance pas, l'Europe, c'est comme une bicyclette, si on ne pédale pas, ça tombe. Et il y a une très forte dynamique aujourd'hui de repli sur soi, dont la monnaie va être un signe annonciateur.